une fistule. J'ai une fistule, ne te pose pas finalement de problème. Oui. Mais si ça ne te pose pas de problème, c'est aussi parce qu'une fistule, c'est juste un orifice supplémentaire, une cavité sous la peau. Et en soi, ça ne vient pas alourdir, enlaidir, affaiblir ton personnage, sinon que il y a une insistance que je témoigne à vouloir que tu en aies une, de même que je l'ai proposé auparavant au personnage de Mathieu. Le monstre mangeur de fistules arrive et du coup il veut manger tous ceux qui ont une fistule. Du coup je suis le seul à mourir et les deux autres restent. Nous en étions au moment où tu te souvenais, tu étais dans ce bureau, le bureau qui était celui de Boruts. Un bureau qui te semblait, pour lequel j'avais suggéré que... Il soit hors de point défense. Oui. Et tu n'avais pas souvenir d'un lieu aussi haut de plafond, comportant des boiseries en un si bon état, boiseries cirées qui... Je ne pense point que ce bâtiment soit hors de point défense. Je pense plutôt que il est dans une part des anciennes catacombes de la grande ville et qu'en fait il résulte du temps jadis, qu'il soit une des traces du temps jadis qui ait collectivisé le camarade Boris. Notre organisation, doit absolument mener à bien ce projet. Je conçois que pour toi, cela représente un renoncement, une concession, pourrait-on dire ultime, un renoncement à nos principes moteurs. Cette machine molle en toi, c'est le reniement de tout ce à quoi nous croyons. Mais la laisser pénétrer sous ta peau, c'est la garantie de mener à bien cette mission. Il faut absolument que tu puisses quitter la section avec l'artefact et que tu le places en un lieu qui permette enfin de provoquer ce que nous escomptons. La chair pure ne pourra supplanter tous ces mécréants, tous ces égarés, qu'au prix de ce sacrifice. Je te remets donc un objet d'une langue froid au toucher et curieusement élastique. Et te laisse le soin de l'introduire, mais tu n'étais dans ce souvenir qui te questionne, qui t'interroge, tu n'étais pas seul auprès de d'autres personnes étaient là, et l'enjeu n'était pas limité. Tu sais que la chair pure n'était pas seule en lice, pour recouvrer cet artefact. Mais pour autant, quel est l'artefact que tu devais recouvrer? Et as-tu introduit in fine la machine molle en toi ou as-tu renoncé? Sinon, comment expliquer que tu puisses te souvenir de cela si tu n'as pas introduit en toi la machine molle qui est la garantie de préserver ton identité intègre? Malgré le phénomène qui est censé déclencher l'artefact, une oblitération, Auslochen. L'engin qui m'a donné a fait l'effet qu'il allait faire, donc si je ne le sens pas, c'est simplement que nous, simples camarades, ne pouvons pas comprendre les principes d'une science qui se veut élitiste et bourgeoise. Loin de l'idée que je me fais de dire que Boris serait un ennemi du peuple, un petit bourgeois, mais je parie que c'est simplement du fait de manque de connaissances sur le sujet qui me fait parfois songer que ceci n'a eu aucun effet. C'est donc là ce que t'évoque cette photo, cette instantané d'un temps précipité, loin de cette dégringolade qui n'est pas point défense, mais quelle est-elle? C'est la question qui demeure posée pour toi. Il avait sur son bureau un objet qui ne t'a pas quitté, ou un objet que vous partagez. Peut-être est-ce la preuve que tu es bien un infiltré sous couverture, c'est lui aussi était en possession de l'un de ces casques précieux qui permettent de capter les ondes d'Egrégor au travers des rayons. As-tu encore par devers toi cette photo jaunie? Oui, dans les pans de ma veste. Tu l'as remise dans ta veste? Je ne laisserai pas les horlats, les bourgeois, le capital me séparer de cette image. C'est un souvenir. Et parce que tu adhères pleinement au principe de chair pure? La notion de pureté me semble anti-révolutionnaire, mais cependant, il est un point à mon camarade Boris, c'est que nous devons nous assurer de notre santé, que les parasites n'ont pas attiré de nous les racines de leur subsistance. Non, les parasites, c'est les petits bourgeois. Alors, les microbes, je veux bien les exterminer. Mais la pureté, je pense que c'est bien loin de la révolution, c'est bien loin de nos idéaux. Il t'a fallu infiltrer le groupe de l'oncle, le groupe révolutionnaire, pour prélever l'artefact. comment ça s'appelle, cet artefact. Ce n'est pas le Grammotruc que tu es venu rechercher, mais le Grammotruc a un lien avec. Tu t'es emparé des cœurs, tu as senti la froideur au toucher, la rugosité, lorsque tu as porté la main sur ceci, mais quelque chose d'autre est advenu alors. Quelque chose d'autre qui est entré en résonance. Un bourdonnement lancinant qui est venu tel un acouphène hanter ton oreille. Une pulsation sourde qui graduellement a enflé. Pulsation qui était présente alors que tu allais dans le bois, une pulsation qui a cru refluer telle une marée étrange et singulière. Elle adoptait un rythme qui n'était ni celui de ta marche, ni même celui de ta progression au cœur du bois. Tu t'étais rendu à l'intérieur du bois en suivant les traces d'un cerf. Oui. Lorsque tu as repéré les traces du cerf, tu les as suivies directement. Oui. Tu t'es suivi. Tu t'es conformé à ce que dictait ton instinct. Tu as trouvé la bête, la dépecée. Tu en as mis une partie à l'abri, préservée. Et là, le bourdonnement a à nouveau cru. La pulsation s'est fait plus présente, accompagnant les pulsations de ton cœur, de ton sang qui bat et irrigue ton propre cœur. C'est un gamin échevelé que visait ton trait, qui a été pulvérisé d'une large flamme qui a emporté une partie du bosquet où se trouvait juste auparavant la grande forme. Et tu n'as pas cette réponse, qu'est-ce qui était au cœur, qu'est-ce qui est en ces cœurs. Quelque chose d'obscur, d'abscon, quelque chose qui te vient d'avant, qui est au tréfond de toi, et qui, comme ce lent battement qui palpite au-dedans de toi, mais as-tu seulement un cœur ? Si tu n'as pas de cœur, comment la vie pulse au-dedans de toi ? Ah, un cœur dans ce sens-là ? Oui, logiquement j'en ai. Tu en as un ? L'entends-tu battre au moment où tu vois les bois Je sais pas, est-ce que j'entends battre ? Pas battre, tu sens cette même pulsation, celle que tu as entendue auparavant. Est-ce que tu cherches dans tes souvenirs que cherches-tu dans tes souvenirs? Cherches-tu... Si, j'ai entendu cette pulsation. Oui. Cette pulsation, tu l'as entendue. Tu étais dans un bureau sombre, baigné d'une lumière intermittente, grésillante, un éclairage déficient qui oscillait à mesure des pulsations qu'imprime le bourdonnement de la ruche dans la ville. Tu étais dans une cellule obscure, loin de toute écoute, une cellule préservée des oreilles indiscrètes. Et tu recevais les consignes de ton commanditaire. Quel commanditaire ? Quel commanditaire ? Il se tenait à côté de toi et te montrait un ouvrage ancien de papier, mais pas le papier que l'on trouve à Point Défense. Un vieux papier glacé. Un vieux papier glacé sur lequel figuraient des chiffres qui dansent à présent dans ta tête. Ce souvenir est diffus, il est à mesure de la pulsation, il respecte le rythme, le bourdonnement incessant de la ruche, et pourtant tu sens que ce bourdonnement incessant de la ruche qui s'imprime jusque dans les murs, dans les tréfonds du sous-sol de Little Hope, ce bourdonnement t'est étranger. Et c'est en rapport avec tu dois trouver l'attracteur. Donc c'est en rapport avec des vitesses. Ou des accélérations, au choix. Qu'est-ce que c'est? Dérivé de X par dérivé du temps, dérivé de Y par dérivé du temps, dérivé de Z par dérivé du temps. Qu'est-ce que cela nous dit? Ah, pour Nalion, il en sait rien. En es-tu sûr qu'il n'évoque rien au-delà de ce souvenir d'un attracteur qu'il devait recouvrer? Ce papier lui dit rien. Ce qui est écrit sur ce papier. Comme des à-coups, des répétitions incontrôlées, des errements, des balbutiements. Si tu n'as pas ça en tête, si ce n'était pas cet attracteur, qu'était-ce alors? Quel est ce souvenir? Est-ce un souvenir factice que t'as implanté le mal du bois? Pourquoi le mal du bois m'aurait mis un souvenir factice? Factice. Rien ne nous appartient. Alors tout nous appartient. C'est ce que... ce qu'affirment les régulateurs les plus extrêmes. C'est ce que... ce qu'affirme le dirigeant de la cellule, mais probablement que ce n'est que un effet de la proximité de cette créature surgie du bois qui en veut à ta vie. Et qui te dit chair. Et votre chair. Et que donneras-tu en retour pour la vie ? Comment ça, en retour ? Il se tient tout près de toi. Ses bois auraient pu largement entailler tes chairs. Mais tu es dans une espèce de temps suspendu où tu entends cette pulsation, ce bourdonnement qui dépasse la rage, la hargne, la vitesse acquise, la célérité, la folie qui s'est emparée de la tourbière. Et il se tient tout près de toi, exhalant son haleine fétide, chargé d'humus charriant, une odeur de charogne, tu vois des myriades de petits insectes, des cloportes qui lui courent sur les chairs, ces chairs qui tiennent à peine sur l'ossature d'eau que tu as dénudée de ta lame pour en remiser une partie au cœur du bois et laisser celle qui se tient devant toi aux charognes. En charogne, aux charognards. Et ce sont les charognards, les vers, les mouches, les coléoptères qui courent, qui grouille sur ce corps qui se tient devant toi et qui te demande « Que donneras-tu à la vie du bois ?»« Que voulez-vous ?»« Toi, donner ta réponse. »« Ah oui, ma réponse, c'est « Que voulez-vous ?» Pas de... Maintenant, s'il n'y a aucune demande... On bascule sur l'artifice. Sur l'artifice. Ton voisin qui a lâché... lui, il sent la présence mécanique. Jean-Michel. Prime. Jean-Michel Prime, tu préfères ? Donc Jean-Michel Prime. D'accord. Donc Jean-Michel Prime, lui, sent toute la hargne de la forêt qui est personnifiée dans la créature qui se tient auprès de Nalion. Ce qu'il sait, c'est que maintenant que le trait a été éliminé, l'enfant est hors de danger. Non, ben... La créature, elle, va à coup sûr égorger Nalion, son ami. Oui. comment peut-il protéger son ami ou préserver la vie de son ami. Est-ce que dans le système d'armement, j'ai un coup qui serait potentiellement mortel? Oui, mais là tu viens de... Qui projette à longue distance? Oui, tu pourrais... Ce qui me permettrait d'extirper Nalion, même s'il est mal en point, l'extirper, et ensuite, le temps qu'il traverse la distance, j'aurais peut-être rechargé le trait principal pour toucher la créature. Mais tu risques de blesser Nalion ce faisant. Là, c'est la vie ou ce qui reste de sa vie qu'il te faudrait engranger. Comment pourrais-tu l'engranger ? Comment ça l'engranger ? Tu as une capacité à mémoriser ? Oui. Tu pourrais... fusionner avec. C'est une solution. C'est une solution viable. Il faut que tu te mêles dans ces chairs, que ces chairs entrent dans tes circuits. Tu te calmes, toi. Je fonce sur lui pour faire cela. Tu te calmes, je t'ai dit. De toi la forêt bruire, la forêt osciller sous le vent, tu sens je parle à Léo. Je croyais que tu t'es trompé. Non tu sens autour de toi la forêt bruire, se mouvoir sous le vent, mais aussi une plainte montée d'elle, une plainte d'agonie lorsque le déviant, le contre-nature, échappe au courroux du grand Aurignal. Ton ami, celui qui, au cœur de l'arbre, t'a confié son humeur et t'a demandé de la porter, te souviens-tu, au buveur de pluie. Tu es face à l'un de ces héros de la non-vie, ces sans-âme, ces êtres... d'artifice qui souille le bois. Mon Renardo est toujours avec toi? Renardo se tient à l'orée du bois, il t'observe de loin, il est apeuré, il roule de grandes escarbilles dans ses orbites, il est paniqué. Il crie à l'unisson du bois, il crie la douleur du bois et celui du grand Aurignal blanc. Qui a été blessé, qui a été happé par ce sans-âme, qui s'est emparé de son cœur et l'a froissé, l'a foudroyé, l'a fulguré dans l'égrégore. Tu peux. Comment pourrais-tu aider le grand Aurignal ? Il t'a donné le pouvoir de voler brièvement. Tu as encore ces bois sur ta tête. Ça suffit. Au-dessus de tes grandes oreilles. Tu as toujours tes grandes dents. Si tu prélève le nodule mémoire de ceci, si tu lui arraches ses circuits, alors... Suis-je toujours un humain ? Tu es un lièvre de Mars ? Tu as toujours été un lièvre de Mars ? C'est ce que t'a révélé ton ami. Vous êtes autour de ce grand bol. Partager ensemble les mesures de riz. Vous avez encore dans vos oreilles le chant déchirant d'Horace Pierre. De douleur des morts, le saule de cette communauté, celle qui apaise, celle qui rend aux âmes le silence qui leur sied. Vous vous souvenez avec elle dans une ronde ménagée autour du thé amer du souvenir, des chants de travail dans la rizière autour de Little Hope, loin d'ici, loin d'Azeraï. Vous n'étiez pas libre alors. Même si le slogan vous revenait incessant, grésillant dans les haut-parleurs de l'organisation. Rien ne nous appartient, alors tout nous appartient. Répétez tous. Rien nous appartient. Alors tout nous appartient. Horace Pierre est revenu aux temps anciens, au temps où l'homme était proche du vent, des herbes, des eaux. Vous avez entendu son chant de guérison. Avant, douleur des morts avait dit « Prions ». C'est s'inscrire, inscrire le silence en partage dans le présent. afin d'écarter les futurs fallacieux, les spéculations frauduleuses. Vous êtes ensemble. Vous formez un cercle. Vous êtes vous pleurez quelqu'un. Vous pleurez un départ. Pleurez une disparition. Vous avez formé une ronde et il vous faudra, après le chant de gorge, dans le silence retrouvé, affirmer que le verbe dérobe au geste la vérité de l'instant. Il vous faudra, dans le silence, prier et inscrire le silence en partage dans l'égrégore, afin d'écarter toutes les menaces que la tempête sèche d'égrégore a assemblées autour de vous dans ce bois désolé. Il m'a parlé, il m'a touché, c'est Brandon, ma chair porte sa marque, mon esprit porte son enseignement. C'est Nikolai en transe qui est au cœur de votre ronde. Dans cette vieille maison délabrée, fugitivement entreaperçue lorsque vous êtes emparé des cœurs. Ces cœurs secs, l'eau pure de la mare enrichie de la litière des cendres des morts, charriée par les vents, se dilue lentement à l'infuse. Seule une perle d'eau surnage dans cette soupe. Léo, comment réagis-tu aux pleurs du bois, aux suppliques du bois de te préserver, de vous préserver, vous, le bois, la vie, l'essence même de la vie qui pulse alentour, qui a été fulgurée par cet orage sec, qui a traversé les corps, qui a mêlé les esprits, souillé les souvenirs, pervertit les âmes. Les sans-âmes sont là, ils se tiennent tout près. Ton ami, le champignon du bois, le champignon au cœur même du vieux saule, celui qui est son cœur palpitant, sa vraie vie, te demande d'arrêter le sans-vie. Comment peux-tu arrêter le sans-vie qui est entré en surchauffe? Je peux lui donner des coups de bois. Vous avez le droit, Mathieu et Gabriel, d'utiliser Goupil et tout figurant que vous jugeriez adéquat pour participer à la scène. Et alors que tu t'apprêtes à vouloir frapper l'être qui se tient devant toi, il y a une fois encore un chat. Non, pas les puces. Un chat, mais cette fois-ci, il se tient sur ses deux pattes. Mais de pattes arrière, et puis il te regarde comme ça, il fait jusqu'à deux fois ta taille. Puis il est un peu menacé, il te semble vraiment menaçante, tu commences à... Ça... Mais lorsqu'il se met à te parler, c'est vraiment bizarre. Ça fait un fort décalage avec la stature dont il est. Hé, mon ami! Mon ami! Oui? Tu crois vraiment, mon ami, que c'est en frappant que c'est pas toi qui va devenir le méchant? C'est possible que je devienne le méchant en frappant, tu as raison. Et il pose sa grosse patte velue qui est fait quasiment deux fois ta tête sur ton bras. Et mon ami, oui, le but, c'est pas d'être gentil. C'est quoi? Bah, c'est une question. Le but, c'est pas d'être gentil, mon ami. Bah si. Bah pourquoi tu vas risquer à être méchant, hein, mon ami? Bah c'est pour un copain. Tu veux être méchant ou pouvoir te faire un petit peu embêter par un copain, hein? Hein? Je veux être gentil. Bah, sois fais-toi pour l'être. Tu t'appelles comment? Alors, qui t'a dit ça? Rusty. C'est mon nom, Rusty. Et vite, vite, avant qu'il ne soit trop tard, il faut que tu t'interposes et que tu brouilles ce sans-âme. Tu es le seul à avoir des ailes. Vole! Je vole. Vole, papillon! Tu déploies tes ailes? J'ai pas compris. Rusty, c'est le personnage que je jouais là ou c'est un autre? Tu jouais le goupil de Xavier. Tu as décrété que c'était un chat. Xavier a un chat où le seul à le comprendre, c'est lui. Donc, tu as joué Rusty. Alors qu'à la base, tu voulais juste jouer un goupil chat. Oui. Mais comme tu as joué un goupil chat et que le goupil chat le plus proche de Xavier qui aura pu tenir ce discours est Rusty, tu as joué Rusty par extension. Non? C'est cela. Alors, Rusty, c'est le goût, c'est le chat de Gaster. C'est le chat de Gaster. C'est le chat goupil de Gaster. Le hors-chat de Gaster. Ah oui, parce que le hors-chat, parce que à la première fois, il s'est manifesté. Je continue. Non, parce que maintenant, c'est. Oui, non, mais là, de toute façon, on est en esprit fouine. Hein. C'est pas mon personnage qui vient de fusionner avec un robot qui va vous dire ça. Hein. Mon personnage, là, actuellement, capoute. On verra bien ce qui deviendra. La première manifestation, c'était Papin. C'est un hors-chat, parce que c'est un chat que hors-là, d'après ce qu'elle nous a dit Xavier. Sauf que c'est toujours son goupil. Donc dès qu'il y a un goupil chat qui parle à... Oui, je sais, 30 secondes. À Gaster, c'est Rusty. Oui, non, c'est... Mais là, c'est... Rusty parlait à Léo. Et Léo... Je ne connais pas. Léo, il ne connaissait pas, mais il l'a découvert. Et donc Léo, tu peux battre des ailes, alors tu as des ailes diaphanes qui sont à peine sèches, qui se déploient dans ton dos, et tu peux t'envoler. Bah je m'envole. Tu t'envoles et tu te diriges vers ce grand amas de rouille et de fer qui est en train de s'échauffer. Tu te portes vers lui. I believe I can fly. I believe. I can fly. Et tu t'approches de lui, Mathieu. Lorsque nous avions basculé sur l'autre scène, tu disais que tu voulais fusionner avec ton ami Nalion. Tu peux déserter, tu peux accueillir son esprit en toi, ou tu peux au contraire. J'accueille son esprit en moi. D'une dernière décharge massive, tenter d'éloigner la créature hors là. Mais ce faisant, tu risques de contrevenir à l'une des lois de la robotique, puisque un enfant. Vêtu de haillons, se tient dans le champ. Je respecte les lois aussi buggé que je sois. Donc j'accueille son esprit. Tu accueilles son esprit. Oui, non, mais... Ah, punaise, ma tête est chiant. Quoi, il plante ses griffes dans ma jambe, ça suffit. Tu lui fais comprendre que... Et lorsque vous... Jeune papillon, vous parvenez à hauteur des curieuses mouches velues qui dansent autour de la créature de métal et de liseron. Il y a un grand éclair électrique fulgurant qui imprime une vive lueur orangée sur ta rétine et chasse les couleurs. Tu te retrouves dans une sombre nuit qui a teinté et innervé le bois alentour. L'écorce au dehors est devenue blanche, au dedans elle est noire et elle pulse au rythme de la sève. Tu es parvenu à préserver ton ami et dans un long vol qui te porte jusqu'au temps de la saison froide, aussi froide et blanche que ses yeux morts, tu viens rejoindre la serfeuse, cette jeune fille qui chevauche le roi Orignal, le roi du bois. Et dans l'hiver finissant, vous allez faire un grand feu pour réchauffer les vieux os de votre ami, le roi du bois. Enfin, pour notre ami Léo. Donc lui, il reste encore Gaster. Et vous vous trouvez donc au-dedans à pleurer la disparition de ce jeune garçon que vous ne connaissiez absolument pas. Ce jeune garçon à la chevelure ébouriffée qui a disparu en même temps que la fulgurante éclair qui vous a tous estourbis. Et qui a donné lieu à la grande et bonne invitation. À venir former la ronde de Louli, célébrer les jours d'hier, le temps où le bois foisonnement de fougères, tissage de feuilles, tresses de racines, corset de troncs, voile de frondaisson. Le bois était prêt pour un grand bal à célébrer avec l'ensemble des hommes. Et vous chantez tous en silence. Herman, as-tu trouvé le gramotruc que tu cherchais ? Non. Sûrement est-il déjà cassé. Cassé par le sort ou cassé par des parasites, des ennemis de la cause. Et c'est encore une défaite. Une défaite qui s'accumule de Widerstand à aujourd'hui. A-t-on compté un Austerlitz? A-t-on compté une victoire? Vous avez réussi à endiguer la progression du mal qui rongeait les chairs, le sang et l'âme du pauvre Serge Claude. Mais enfin... Vous avez formé une ronde tout en amitié avec votre curieux hôte et son artifice, cette chouette au plumage duveteux qui a ravi les yeux du jeune Gaster. Et qui a attisé la convoitise de son ami le chat Rusty. Nalion, tu es tout endolorie de cette épreuve, mais qu'as-tu récolté, qu'a semé en toi cet étrange artefact surgi du bois? Qu'est-ce que la rencontre du bois, la fulguration de cet orage d'égrégore qui a traversé ton corps, a porté en toi? Je te propose, Mathieu, puisque tu as reçu la décharge vitale de ton prime, que tu réécrives les souvenirs que tu souhaites réécrire parmi les perles qui sont les tiennes, tout à fait librement. Car... tu as été comme dans un bain de jouvence. Si tu acceptes de pleurer la perte du jeune homme qui a disparu et de cette entité étrange et métallique, si tu la considères effectivement comme une perte, si tu as toi aussi versé la larme comme le demandait Douleur des Morts au moment du cérémonial, car dans le rituel, pour qu'il fonctionne et qu'il soigne l'ensemble des participants de la ronde, il faut que chacune verse une larme sur quelque chose qu'elle a perdu. Alors, je suis désolé d'être à ma joie, mais comment un robot verse une larme? Mais tu n'es plus le robot. Bah, c'est ce qu'on venait de dire. Tu es le robot et Nalion. Et c'est ce que je te propose d'agencer. Attends, quoi? Tu m'avais dit que c'était l'inverse. C'est Nalion qui allait dans le robot, pas le robot qui allait dans Nalion. Mais la chair de Nalion est rentrée dans le robot. Oui, mais un robot, ça ne peut toujours pas pleurer. Donc, il peut pas avoir les robots rêvent-ils de moutons électriques? Voilà, c'est la vous avez question. 6 heures. Il peut pas verser de larmes. Point. Et pourquoi ne pourrait-il pas créer? Alors oui, non, mais là, c'est juste qu'il n'a pas été conçu pour verser de larmes et il s'est pas modifié pour se faire pleurer. Non, mais il a été. On n'est pas dans les nouvelles d'Asimov avec le robot qui se crée une mort. mais là, il s'est créé une vie. Donc tu es libre de le réinterpréter, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est, tu vas faire un mélange des deux. Et c'est toi qui vas définir maintenant. Soit tu penches plus vers l'aspect robotique et c'est prime qui prime. Ce prime qui prime. Et tu vas redéfinir ses priorités. Et tu demeureras un être de fer blanc. Et tu vas nous expliquer comment il revient à la vie. Probablement que c'est la ronde que vous avez fait ensuite. Et là, je dis vous pour... Nalion et Prime sont toujours dans la même enveloppe physique. Alors, ils étaient dissociés. Oui, non, mais maintenant, ils sont dans la même entité physique. Et après le cérémonial, ils le seront aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, ce que tu as indiqué, c'est que c'était A0, le modèle de robot qui avait accueilli l'esprit de Nalion. Donc, ce que pleurent les autres, mais c'est aussi ce que pleure le robot, et donc il peut aussi pleurer quelque chose, il va pouvoir... pleurer, si tu en es d'accord, un objet ou un aspect qui va être... donc on a dit qu'il avait un problème de refroidissement, il va abandonner une de ses fonctionnalités qui va être... qui va avoir été ruinée par cet instant de fusion. Un dysfonctionnement qui le rend... Dysfonctionnement supplémentaire. Un dysfonctionnement supplémentaire, c'est cela. Et en fait, c'est ce dysfonctionnement qui est sa forme de larme. Ok. Alors, j'ai vu Xavier qui jouait avec les stylos tout à l'heure, mais... Il y en avait trois... Voilà, Xavier, il les a tous kidnappés. Tout près. Il jouait tout à l'heure avec. Alors, Gaster, il te faut pleurer quelque chose. Donc, c'est... En l'occurrence, tu vas... te libérer d'un souvenir qui et tu vas nous raconter en quoi pour toi ce souvenir est un arrachement, quelque chose qui te fend le cœur. Okay. Et bien, parmi tous ces souvenirs, il y en a un dont tu vas te dessaisir, que tu vas donner directement à la moisson. Cette perle de souvenirs, tu vas la raconter. Tu vas nous dire pourquoi elle t'était chère et comment désormais elle ne l'est plus ou comment tu es parvenu à en faire ton deuil, à l'oublier, à y consacrer l'oubli pour que ce soit... ce soit une libération et tu inscriras le souvenir en question dans la colonne libération. D'accord ? D'accord. Le robot. C'est... On avait défini que c'était comme l'un des robots qui chasse dans le ciel, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a la propriété de vol comme ceux qui ont le château dans le ciel ? Oui. Il perd cette capacité. D'accord. Il ne peut plus s'élever dans les airs. Ce qui rejoint le fait qu'il l'a abandonné à l'oiseau Léo, à l'oiseau Léo. Oui. Alors, tu vas écrire. Du coup, je fais quoi pour les feuilles ? T'as parlé de réécriture de feuilles, j'en fais quoi ? Bah là, tu vas toi fonctionner non plus avec des gringolades, mais avec ton... Et du coup, tout ce qui est les feuilles... Alors, tu choisis parmi les feuilles des éléments que tu pourrais intégrer dans... Déjà, le numéro. Hein. Bah, il est déjà noté, donc on s'en fiche. Nalion, bah, on le garde quand même. Tac, il a les deux en fusion, donc... Tac... Gabriel, pour ce qui concerne Herman, Donc il va devoir se libérer. Donc c'est un des souvenirs que tu vas intégrer dans la colonne Libération et tu vas nous raconter. Alors on fait dans l'ordre où vous voulez. Vous pouvez même entremêler et intervenir l'un dans l'autre puisque c'est un moment de partage. C'est un moment où dans l'égrégore... C'est de la collectivisation. Voilà, vous mettez une perle, une larme, celles qui sont manifestées par le filtrat des eaux dans lesquelles puise douleur des morts. Alors, je vais juste poser une question. Oui. Ça peut être n'importe quelle de mes feuilles de mémoire ou pas? Oui. Ok, j'en ai une. Donc, peu que tu trouves une belle histoire à nous conter. Et nous t'écoutons. Ah non, ma voix pas avec celle-là. N'est plus habitée des démons du mur. Ma voix a vu défaite sur défaite, comme les anciens de Point des Forces, comme ceux d'avant, ceux de l'âge d'or. Ils ont été réprimés. Et c'est à force de défaite que, malgré tout, on finit par céder. Les démons du mur ont cédé. Ma voix a cédé. Et il est tant de gens qui ont cédé, tant de voix qui ont viré, que plus rien ne me rattache à ces démons. Tu renonces à leur combat ? Et quel combat entreprendras-tu alors, Herman ? Celui de la pureté ? Celui de sauver la race humaine pour son bien, de lui éviter tous ces hors-là, tous ces hors-chats. C'est pas ce que je pense, Xavier. Je suis en train de faire un rouge-brun, mais... Bon, moi, je mens. Donc, moi... notre cher robot très étrange a accueilli la... Je sais pas si on peut appeler ça l'âme ou l'esprit, enfin appeler ça comme vous le désirez, de Nalion. En même temps, il est partiellement fauteuil. Il est partiellement fautif de sa mort car il a dû choisir entre sauver le jeune inconnu. Le jeune inconnu. Qui avait statistiquement plus de chances d'être sauvé, ou Nalion. J'ai choisi celui où il y avait le moins de chances de foirer, soyons honnêtes. Donc, il a perdu sa capacité de vol. C'est un effet de la surchauffe. C'est un effet de la surchauffe du système d'armement, justement. Je sens que je vais avoir des pas dans cascade. Donc, ce qu'il a conservé. Non, mais tu peux le garder, j'ai noté ce que j'avais à noter. Ils avaient le même matricule pour une raison du hasard, la destinée, ou parce que ça m'amuse, hein, peu importe. Donc en soi, l'esprit de Nalion a partiellement fusionné avec celui de 10A00F. On peut résumer par 10A0F. Ouais. Voilà. Nalion reste, entre guillemets, comme il est, mais reste en arrière-plan par rapport au robot. Mais là, sans être là, c'est... Comment ? C'est un peu une image qui parvient à tirer son épingle du jeu de temps à autre. Mm-hmm. Mais ce n'est pas l'image dominante. Voilà. Il y a une image qui est venue dans ta banque de mémoire. Hein ? C'est une alien ? Non. C'est associé au terme attracteur. Ok, bah j'en prends note. Attracteur. C'est des images. Noté. Donc, Xavier, c'est à ton tour. Krusty était mon chat. J'ai pensé que c'était un orla. Et ben en fait, je me suis trompée, voilà. C'est vraiment ton chat. c'est un chat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, juste... Est-il si ordinaire que cela ? Il est bien curieux qu'il vienne écouter les conversations et s'en mêle trop souvent. Non, c'est un chat, et c'est un super chat. Xavier, juste par rapport à ça, en fait, comment tu vas arriver à te défendre alors que à un moment, il a apparu comme faisant deux fois la taille de Léo, donc t'imagines qu'il fait deux fois la taille de papa ? Mais quand il se met debout, hein, sinon... Esprit fouine, je me permets... Il peut être sa mauvaise conscience. Mmh. Parce que là, il défend que c'est son chat. Je pense que c'est une mauvaise défense. Parce que tu n'arriveras pas à le défendre, à le tenir, même avec des images. Ah, qui sait ce que te réserve l'avenir. Hier, un peu de glaire. Demain, momie ou sangle. Tu l'as noté en dilution, très bien. Alors, on va de ce fait sous fond de dégringolade. Passer au débrief. Au débrief. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Alors, précaution de ma part, c'est de dire que même si le déroulement était pas optimum, voilà, en dents de scie, et que c'était loin de ce que j'avais envisagé à titre personnel, ça peut constituer une fin envisageable de notre petite errance. Alors, c'est suffisamment confus, embrouillé, et c'est volontaire, l'histoire de Léo. C'est délibéré. J'avais compris. Oui, c'est par rapport à... En fait, on a toute latitude, ça répond au cahier des charges de Boissol, on peut explorer ça séparément. Il y a eu une rencontre autour de la communauté des Fulgurés. Vous fait apparaître toute l'histoire et cette séquence, donc l'épisode 8 dans son ensemble, ça part de cela, de cette photo. C'est juste des vaches ? Non, c'est pas des vaches. Il faut que tu nettoies tes lunettes. Ah non, mais c'est de loin, je sais pas pourquoi, ça faisait comme les taches d'une vache. Mathieu ? Donc, toute l'histoire part de cette image. Avec des vaches. Donc, une photographie des Fulgurés d'Azeraï. Donc, un fait divers de 2017, où des gens, lors d'une fête avec moult, flonflon, etc. C'est l'occasion... De rassembler les gens des alentours sur des thèmes festifs et folkloriques. Donc, ils ont été frappés par un orage sec, un phénomène naturel qui existe. Oui, je sais. Donc, ils ont été fulgurés, 14 personnes. Alors, c'est pas mal. Ils ont eu des séquelles diverses et variées. La plupart ne se sont pas aperçus. Certains sont entrés en syncope, etc. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient été blessés que deux jours plus tard. Ils avaient un gros trou dans l'oreille, ce genre de choses. Mmh. Ah oui, parce que là, ils ont quand même été traversés par la foudre. Ils s'étaient tous assemblés sous un kiosque qui était là pour en abat soleil et qui abritait la régie. Et donc, ils se sont pas rendu compte de l'orage ? Non, parce que c'était un orage sec. Oui, non, mais un orage sec, tu entends quand même. Il y a eu juste un éclair fulgurant qui est tombé pile poil sur le kiosque et les a traversés. Concours de circonstances urbaines. Donc, voilà, c'est un phénomène relativement surprenant. Donc, ils auraient mieux fait jouer au loto, ils auraient gagné plus. Je suis parti de ce fait divers et je l'ai transposé à Milvaux. D'accord ? Donc, un orage sec, pour moi, c'était un orage de Grégor. Je l'avais tiré en table aléatoire en jouant à Bois-Saule. Sur moi. Et donc, un orage d'Egrégor, je l'ai interprété en vous le faisant jouer, en vous le faisant vivre de l'intérieur. Donc je l'ai sous-titré volontairement la ronde de Louli, en oubliant le B, parce que l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde se rassemble et se retrouve autour du grand arbre, parce que le kiosque était à côté d'un arbre. Il était à 10 mètres d'un arbre. Oui, d'où l'arbre. Voilà. Et donc... Pareillement dans l'histoire, dans notre histoire, il y avait une grande proximité avec un vieux Saul que lui a visité de l'intérieur et il a visité l'esprit Saul, il a discuté avec lui, il a négocié avec lui. Vous aviez un objectif en tant que glaneur, mais vous étiez traversé par... des flux d'égrégores très intenses qui étaient le résultat de cet orage sec. Vous avez été fulguré. Le personnage est carrément fusionné avec un autre. Donc, oui, voilà. J'ai saisi que c'est un orage. Et donc, vous avez été soigné au travers d'un rituel chamanique mené par la brocanteuse de souvenirs, Douleur des morts. Et du fait qu'il faille... C'est Saul en celte. Oui, il faut verser une larme, justement. Ça veut dire douleur des morts. Dans le rituel, pour recouvrer sa santé dans une certaine mesure. Gagner l'oubli, en fait. Oui, non. Gagner l'oubli du phénomène. Donc, on était... pour moi, c'était... ça rejoignait ma préoccupation dans des gringolades. Dans la démarche de dégringolade, et ça rejoignait le questionnement autour des personnages.